بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 26 dans l'explication du livre de Cheikh Abdurrahman. C'est le Kitab al-Tawhid, Kitab al-Tawhid qui est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le sharh de son petit-fils Abdurrahman ibn Hassan et les commentaires du Cheikh Salah al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc, on est donc au cours 26 et on est en train d'expliquer le chapitre Bab Fadlu al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-Zunub. Le mérite du Tawhid est ce qu'il expie comme péché. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, on était en train d'expliquer la partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapportait selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu » et que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah et son messager. Et on a commencé à expliquer des choses par rapport à Isa alayhi salam. Et donc, maintenant, on va expliquer le verset 171 dans Surat An-Nisa à ce sujet, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq, innama al-Masih Isa ibn Maryam, Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, fa'aminu billahi wa rusulih, wa la taqulu thalatha, انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Donc ce verset on l'a lu hier mais on l'a pas expliqué encore, donc aujourd'hui on va lire les explications au sujet du verset. Et avant de l'expliquer, on va lire la traduction du verset en question, inshallah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « aux gens du livre ». Et les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Mais ici en particulier, c'est les chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala dit « aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Maryam est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un fils. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. » Donc ça c'est le verset en question. Et puis on va lire maintenant les explications, inshallah, de ce verset. Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, il commente sur le verset en disant, yani, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Al-ghulu huwa al-ziyada, kama ghalaw fi al-Masih, alayhi salam, wa rafa'uhu من مرتبة البشرية إلى مرتبة الإلهية. Donc le cheikh il commence par expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset ô vous, ou les gens du livre, ô vous qui avez reçu le livre, n'exagérez pas dans votre religion. Et le terme qui est employé pour dire n'exagérez pas, c'est le terme al-ghulu, donc le verbe rala yaghlu. Et ici, il dit « la tarlou », c'est-à-dire « n'exagérez pas, ne tombez pas dans l'exagération ». Et le terme, linguistiquement, à la base, il signifie en arabe « az-ziyada ». Donc, n'augmentez pas ce qui dépasse la limite. N'exagérez pas à propos de Jésus, à propos de Al-Masih, alayhi salam. Parce que les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus. Et donc, ils sont tombés dans l'extrémisme religieux, en élevant Isa du degré de l'humanité et en faisant de lui une divinité. Donc ils ont fait d'un être humain un être divin. Et ça c'est de l'exagération. Ça rentre dans Al-Ghulu. ça rentre dans l'exagération et dans l'extrémisme dans la religion. Et ça, c'est blâmable. Hein? Ça, c'est blâmable. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. C'est-à-dire, ne dites à propos d'Allah que la vérité. Et le cheikh, il explique ça en disant, لَا تَنْسِبُوا لَهُ مِنَ الْوَلَدْ وَالشَّبَهْ مَا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ. Donc il dit ici, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dites à propos d'Allah que la vérité, c'est-à-dire ne lui attribuez pas d'enfant ou bien un semblable, hein, quelque chose qui pourrait être semblable à lui ou comparable à lui, parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble, hein, il n'y a rien qui lui est égal. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Hein, ne lui attribuez pas ce de quoi il s'est purifié lui-même. Et il dit ensuite, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. Donc le Messie, Jésus, fils de Marie, est un messager d'Allah. Il est que un messager d'Allah. C'est-à-dire, il n'est pas plus que ça. Il n'est pas une divinité. Il n'est pas un fils de Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même. Hein? Et le cheikh, il explique, il dit, عيسى بن مريم رسول الله وليس هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد أما المسيح فهو مولود من أم فكيف يتصور أنه إله مع أنه مولود وهو رسول الله والرسول غير المرسل. Donc le cheikh il explique que Isa c'est le fils de Maryam. C'est pas le fils d'Allah, c'est le fils de Maryam, le fils de Marie. Il est un messager d'Allah, il n'est pas Allah lui-même, il n'est pas le fils d'Allah, il n'est pas le troisième du trois, comme on dit, ou la Trinité. Hein, une part de la Trinité qui compose la personne de Dieu, comme chez les chrétiens. Plutôt, hein, il n'est qu'un messager d'Allah. Et Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire il n'a pas engendré, il n'a pas eu d'enfant, wa lam yulad, il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre, il n'a pas été engendré lui-même. Donc ça veut dire que al-Masih il ne peut pas être Allah puisque il est né d'une femme, hein, il a été engendré lui-même. Donc comment pourrait-il être une divinité alors qu'il est engendré et qu'il est né? Et il est le messager d'Allah. Donc il y a une différence entre le messager et celui qui envoie le messager. Hein? Parce que le messager, c'est l'envoyé. Hein? Quand on dit par exemple, le messager, comme je disais l'autre jour, c'est comme un facteur. Il vient apporter la lettre. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit. Celui qui a envoyé la lettre, hein? Celui qui a envoyé le messager, c'est lui, hein, qui décide et qui ordonne. C'est pas celui qui amène le message qui l'a écrit lui-même ou qui l'a mentionné lui-même ou qui l'a envoyé lui-même. وكلمته ألقاها إلى مريم وهي قوله كن. فسبب وجود المسيح هو كلمته سبحانه كلمة الله سبحانه وتعالى كن. فكان بهذه الكلمة بدون أب. ولهذا يقال المسيح كلمة الله لأنه خلق بهذه الكلمة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset que c'est une parole que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Maryam. Et cette parole, c'est quoi? C'est l'ordre, hein, le verbe impératif d'être, hein, lorsque Allah lui a dit kun, c'est-à-dire soit, et il fut. Donc la cause de son existence, c'est cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il lui a ordonné d'exister en disant kun en arabe qui veut dire en français, hein, le verbe impératif d'être, c'est-à-dire soit. Et il fut par cette parole sans un père, sans qu'il ait de père. Donc sans l'intervention d'un être humain. Il a été créé par Allah, non pas que Allah subhanahu wa ta'ala a eu un enfant avec une femme, de la même manière qu'un homme a un enfant avec une femme. Hein? Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de femme, n'a pas d'épouse, n'a pas de compagne. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant, n'a pas de fille, n'a pas de fils, n'a pas de progéniture, il est unique, il se suffit à lui-même. Al-Hayyu al-Qayyum. Et donc, hein, il dit, on doit dire que Al-Masih, c'est la parole d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par cette parole, c'est-à-dire le verbe soit, hein, et il fut. Et il dit ensuite « وَرُوحٌ مِنْهُ عَرَفْنَا فِي مَا سَبَقْ أَنَّ الْمُرَادُ بِالْرُوحِ هِيَ الْرُوحَ الْمَخْلُوقَةِ لِأَنَّ الْأَرْوَاحِ كُلُّهَا مَخْلُوقَةِ وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ رُوحٌ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْوَاحِ الْمَخْلُوقَةِ وَكَلِمَةُ مِنْهُ لَيْسَتْ لِلتَّبْعِيدِ وَإِنَّمَا هِيَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ. Donc le cheikh explique que après Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de Isa que c'est une âme, hein, de lui, de sa part. Et on a su déjà dans qu'est-ce qu'on a expliqué dans les cours précédents que qu'est-ce qu'on veut dire par ar-ruh ici, c'est une âme qui est créée. Allah l'a créé cette âme, comme il a créé toutes les âmes d'ailleurs. Allah a créé toutes les âmes. Et cette âme, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée avec l'ange pour qu'il l'insouffle en Maryam, hein, eh bien, elle est créée comme le reste des âmes sont créées. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit de sa part, hein, une âme de sa part? Ce n'est pas pour mentionner, comme certains l'ont compris ou certains l'ont interprété parmi les gens de l'égarement, que ce serait une part d'Allah lui-même, hein, ou une part de Dieu qui serait entrée en Jésus. Non. L'âme s'est créée. Donc c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit « minhu », ça veut dire que c'est de lui qu'elle vient, dans le sens que c'est lui qui l'a créé, hein, dans ce sens-là. Et il dit « fa'aminu billahi wa rusulih, wa minhum al-masih alayhi salam, faman jahada risalat al-masih, aw idda'a annahu fawqa al-risalah, faqad kafara bi jami'i al-anbiya, li'anna man kafara bi nabiyin wahidin, kafara bi jami'i al-anbiya. » Donc le cheikh il dit donc et croyez en Allah et en ses messagers et parmi eux le Messie, le fils de Marie. Et il dit le cheikh que quiconque renie le message du Messie, de Jésus, hein, ou prétend qu'il est au-dessus du degré de messager, alors il a renié la foi en tous les prophètes. Parce que celui qui rejette la foi en un seul d'entre les prophètes, c'est comme s'il avait renié tous les prophètes. Et ici, le cheikh, il explique que, par exemple, yani celui qui renie la foi en le message du Messie, c'est-à-dire de Jésus, il a renié la foi. Donc ça, c'est important de le faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans. Parce que souvent, les chrétiens, ils disent aux musulmans, vous croyez pas en Jésus. Hein, les chrétiens disent aux musulmans, vous croyez pas en Jésus. On dit, non, au contraire, on croit en Jésus. Non seulement qu'on croit en Jésus, mais que si quelqu'un parmi les musulmans refuse de croire en Jésus, il est considéré comme un kafir. Il n'est pas considéré comme un musulman, il est considéré comme un mécréant dans ce cas-là. Parce que celui qui renie un seul d'entre les messagers, c'est comme s'il avait renié tous les messagers sans exception. Donc, on doit dire aux chrétiens, Vous avez tort de dire qu'on ne croit pas en Jésus. Au contraire, pour nous les musulmans, si quelqu'un qui se dit musulman refuse de croire en Jésus ou nie que Jésus est un messager d'Allah, eh bien, automatiquement, il a quitté la religion musulmane, il a quitté l'islam. Hein? Parce que croire en tous les messagers, c'est une condition dans la foi, parce que ça fait partie des articles, des piliers de la foi. Donc ça c'est important de leur faire comprendre. Mais en même temps, si on dit qu'on croit en Jésus, ça ne veut pas dire qu'on va faire de lui un dieu ou une divinité ou de lui offrir des parts de l'adoration ou de lui offrir des prières ou de croire qu'il est un fils de Dieu ou Dieu lui-même ou la Trinité ou des choses de ce genre. Donc il faut distinguer entre la croyance des musulmans qui est la croyance véridique, la croyance de la vérité, de croire en Jésus en tant que prophète et messager, et non pas de croire en Jésus en tant que Dieu ou fils de Dieu, parce que ça c'est de l'idolâtrie, et c'est du kufr, c'est de la mécréance. Hein? Donc, il faut bien expliquer ça aux chrétiens. Parce que pour les chrétiens en général, la réalité, c'est que lorsque tu leur dis que Jésus est un prophète et un messager, eux, ils disent, ah, ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus. Parce que pour eux, quand tu dis croire en Jésus pour un chrétien, ça veut dire de croire que c'est Dieu ou de croire que c'est le Fils de Dieu. Donc pour eux, si tu ne crois pas qu'il est Dieu ou le Fils de Dieu, donc ça veut dire que pour eux, ça veut dire que tu n'as pas cru du tout en Jésus. Hein? Pour eux, t'es un non-croyant parce que tu ne reconnais pas ce qu'ils prétendent. Donc il faut comprendre ça et de ne pas s'étonner. Donc par contre, si des chrétiens nous disent « Ah, vous ne croyez pas en Jésus », parce que c'est leur ignorance en réalité. Hein? C'est à cause de leur extrémisme dans la religion qui les amène à prétendre que les musulmans, nous, on ne reconnaît pas Jésus. Au contraire, comme on l'a dit, on est obligé de croire en lui. Mais on ne tombe pas dans l'exagération. Après, le cheikh, il dit « Wala taqulu » il mentionne le verset, la suite du verset « Wala taqulu thalatha » c'est-à-dire « Ne dites pas trois ». Il dit, les chrétiens, ils disent « Allah, wal Masih, wa Ruh al-Qudus » kama taqul, ou kama huwa ba'd aqwal al-Nasara. Donc, chez une grande partie des chrétiens, ils disent que Dieu est composé de trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, ils disent « Allah, le Messie et Ruh al-Qudus » qui est l'Esprit Saint. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran justement à propos de Jésus, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Et nous l'avons renforcé ou aidé par l'Esprit Saint. Donc Jésus dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il a été aidé ou raffermi par l'Esprit Saint. Et donc dans ce cas-là, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que Ar-Ruh al-Qudus, ou bien Ar-Ruh al-Amin, c'est Jibril alayhi salam. C'est Jibril, c'est l'ange Gabriel en réalité. Mais pour les chrétiens, c'est une part parmi les. C'est une des trois personnes qui composent Dieu. Et ça, c'est complètement faux. C'est une erreur de leur part. Donc. Yani Allah al-Musta'an, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit dans le verset wala taqulu thalatha intahu wala taqulu thalatha intahu khayran lakum. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit ne dites pas trois, cessez, arrêtez de dire trois, c'est meilleur pour vous, c'est mieux pour vous d'arrêter de dire ça. Et ensuite le cheikh il explique innama Allahu ilahun wahid. Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'une divinité unique. Allah wal Masih wal Ruh al Qudus. Allah al Musta'an. Aynam. Innama Allahu ilahun wahid. Innama Allah ilahun wahid. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, Allah n'est qu'une divinité unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré lui-même, et il n'y a rien qui soit comparable ou égal à lui. Il dit ensuite, Subhanahu an yakuna lahu walad. Subhanahu tanzihun lillahi azza wa jal. An yakuna lahu walad. Lianna al-walad yushbihu al-walid. Wa huwa juz'un minhu. Wa huwa... تنقص لله عز وجل سبحانه أن يكون له ولد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه dans la langue arabe, les ulama ils disent que ça c'est pour التنزيه. التنزيه ça veut dire de purifier. Donc on purifie Allah des impuretés, des mensonges que les mushrikins lui ont attribués. Et parmi les mensonges qu'ils lui ont attribués, c'est d'avoir un fils. Donc, Allah, il se purifie lui-même de ce qu'ils lui ont attribué comme fausseté, comme mensonge, comme imperfection, comme défaut, comme limitation. Donc, il dit, Subhanahu, an yakuna lahu walad. C'est-à-dire qu'il soit exalté et purifié d'avoir un fils. Parce que en général, le fils, il ressemble, il est semblable à son père. Le fils, il ressemble à son père. Donc, il devrait avoir les mêmes qualités que son père. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et s'il a un fils, eh bien, non seulement il ressemble à son père, mais c'est une partie de son père. Parce qu'il vient de lui. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça représente un rabaissement, une imperfection. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'a pas d'égal. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de shabih, hein. Il n'a pas de nid. Il n'a pas de kouf. Yani, tous ces termes-là que Allah a utilisés. Il n'a pas de, il dit, laysa kamithlihi shay. Hein, il n'y a rien qui soit comparable à lui ou semblable à lui. Donc, tout ça, c'est pour nier que Allah est un semblable, un égal, un rival, un semblable. Yani, peu importe qu'est-ce qui peut être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces choses-là, Allah, il se purifie de ça. Donc, il n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, hein. Il est l'unique, celui qui se suffit à lui-même, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Fa huwa ghaniyun 'anil walad. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Fa laysa huwa bihajatin ila al-walad, li'anna alladhi yahtaju ila al-walad huwa al-faqir alladhi yuridu dhurriyatan. Amma Allah azza wa jalla fa huwa ghaniyun wa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Il dit, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le riche, celui qui possède toutes choses. Et il n'a aucun besoin d'avoir un fils. Celui qui a besoin d'avoir un fils, c'est celui qui a besoin d'un support, celui qui a besoin d'une aide, hein, celui qui a besoin, hein, de quelqu'un pour hériter de lui, hein, ou bien pour lui donner un support. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de rien de ça. Parce qu'il est le premier, il est le dernier. C'est-à-dire, il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui, il est l'éternel. Et donc, il n'a pas besoin d'héritier. Et il n'a pas besoin non plus de support, puisqu'il est tout puissant. Hein? Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien et tout a besoin de lui. Donc, pourquoi aurait-il un fils, hein? Celui qui a besoin d'un fils, c'est celui qui est faible. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se suffit à lui-même et à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc tout ce qui existe est sa propriété, hein, et sa création. Wa kafa billahi wakila. Yani mufawwidan ilayhi jami' al-umur. Yatasarrafu fiha azza wa jalla fa laysa bihajatin ila من يعينه فهو يدبر الكون ولا يشق عليه ذلك ولا يشق عليه سبحانه ليس له معين ولا ظهير ولا شبيه ولا مثيل ولا ولد ولا والد غني عن كل ذلك. Donc le cheikh il explique, il dit à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وكفى بالله وكيلا, وكفى بالله وكيلا. Oui, non. Allah suffit comme protecteur, comme garant, hein, comme garant, comme protecteur, al-wakil. Et donc, le cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça pour que on ramène toutes nos affaires et tous nos besoins vers lui. Hein, parce que c'est lui qui gère toutes les choses et qui s'occupe de toutes choses. Donc, il n'a aucun besoin d'aide ou de support. Hein, il a créé tout l'univers tout seul. Il n'y a personne qui l'a aidé dans la création de quoi que ce soit. C'est lui seul qui a tout créé et c'est lui seul qui contrôle l'univers tout entier et cela n'a aucune difficulté pour lui. C'est aucunement lourd ou difficile pour lui de s'occuper de tout ça. Et il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas de support, il n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents, il n'a pas été engendré, et il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien. Hein? Et ensuite, le Cheikh dit wal ayat ba'daha, c'est-à-dire après ce verset-là, il y a d'autres versets aussi qui mentionnent des choses à propos de Isa ibn Maryam, comme le verset 172 dans Sourate An-Nisa, qui sont des arguments aussi contre les croyances fausses des chrétiens. Le verset 172, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Donc il dit, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Parce que des fois, quand tu dis aux chrétiens que Isa, Jésus, c'est un serviteur d'Allah et que c'est un prophète, ils pensent que c'est quelque chose que tu dis pour le dénigrer ou pour le rabaisser. Comme si ce n'était pas assez glorieux pour lui. Comme si ce n'était pas assez, comme un degré assez élevé ou suffisamment élevé pour lui. Donc eux, ils disent, ah non, comment vous dites qu'il est un serviteur? Comment vous dites qu'il est un messager? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ça en disant, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Au contraire, c'est un honneur. Ni les anges rapprochés. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer, et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Donc ça, c'est une menace. Et ensuite, donc, il mentionne tous les versets ensuite qui sont à propos de différentes choses. Puis le cheikh, il mentionne à la fin, il dit والآيات التي بعدها إلى قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة كلها في سياق تنزيه الله عز وجل عن قول النصارى أن المسيح ابن مريم أن المسيح ابن الله وهذا مما أحدثوه في النصرانية بعد المسيح بقرون لما ظهر اليهودي بولس الذي ادعى الإيمان بالمسيح فغير دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات التي منها قولهم المسيح ابن الله هذا من إحداثيات هذا اليهودي الخبيث فغير دين المسيح عليه السلام وتم له ما أراد من إفساد دين المسيح وإدخال الوثنيات على النصارى واعتقدوها من غباوتهم وغفلتهم. Donc le cheikh, il explique que tous les versets justement qu'on a mentionnés après, le verset 173, 174 et 175, tous ces versets-là sont des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il se purifie et il s'exalte la parole des chrétiens qui disent qu'il est le Fils de Dieu. Et il dit toutes ces croyances-là, c'est des choses que les chrétiens ont inventées des siècles après Jésus. Ces croyances-là, Isa lui-même ne les a jamais enseignées. Et lui-même, comme vous savez, Isa, il n'a jamais dit « moi je suis un chrétien ». Le christianisme, même le terme christianisme, c'était apparu bien après. Et c'est des gens qui les ont appelés comme ça. C'est-à-dire, c'est pas eux qui ont choisi ce nom-là. Donc, ce terme, Jésus ne l'a jamais connu, il ne l'a jamais utilisé. Et les croyances que les chrétiens ont, c'est des croyances qui sont apparues des siècles après lui. Donc les chrétiens ont inventé ça, et c'est lorsque le juif qu'on avait mentionné hier, Paul, c'est lui qui est venu parmi les premiers qui ont cru à Isa et qui a mélangé leur croyance à propos de Jésus et qui a déformé les enseignements de la religion à propos de Al-Masih, et qui a fait rentrer dans les enseignements de Isa toutes sortes de formes de shirk et de wathaniyat, des formes d'idolâtrie. Et donc parmi ces croyances qu'il a inventées ou qu'il a introduites, l'idée que Al-Masih, Jésus, serait fils de Dieu, ça c'est des choses que ce juif a inventées, et il a changé donc la religion de Jésus. en inventant des fausses croyances. Et il a réussi à faire ce qu'il voulait et à corrompre la religion de Jésus en faisant rentrer des formes d'idolâtrie chez les chrétiens. Et eux, ils ont accepté ces croyances-là à cause de leur faiblesse d'esprit, de leur insouciance. Ils ont accepté ces croyances-là. Hein? Et c'est comme ça que le christianisme est devenu une autre religion, autre que ce que Isa alayhi salam a enseigné. Et donc, aujourd'hui, il est important de comprendre que quand on parle des chrétiens, on ne parle pas des gens qui croient en ce que Isa alayhi salam a enseigné. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé justement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après Isa pour corriger et purifier le message des prophètes précédents qui avaient été déformés justement par les juifs. Hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et des prophètes, et pour ramener les gens à la vraie croyance au sujet de Isa alayhi salam, pour leur faire savoir la réalité et la vérité au sujet de Al-Masih, et que c'est pas un fils de Dieu ou Dieu lui-même ou des croyances en la Trinité qui sont fausses. Donc il faut accepter l'unicité d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et que Jésus est un messager, un serviteur d'Allah, qui lui-même adorait Allah, et qui priait à Allah, et qui se prosternait à Allah, comme les musulmans se prosternent, et qui enseignait aux hommes d'adorer Allah seul, et de n'adorer rien d'autre que lui. On le retrouve ça dans plein d'endroits dans la Bible, encore aujourd'hui, des endroits où Jésus, il dit aux hommes d'adorer Dieu seul. Plein de passages, et peut-être même que ce serait une bonne idée parfois de les rassembler, tous ces versets qui mentionnent le tawhid dans les paroles de Isa et dans les paroles même dans l'Ancien Testament. C'est rempli de versets sur ça. Le premier des commandements dans les 10 commandements des chrétiens et des juifs, c'est justement de rien adorer autre que Allah. C'est donc quelque chose qu'ils connaissent, c'est quelque chose qu'ils savent, mais ils ont déformé le message, donc à cause de ça, ils deviennent, comme le cheikh a dit, ils tombent dans l'insouciance et ils ne réalisent pas leur erreur à cause de l'aveuglement et la passion. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue son explication en citant d'autres versets. Il dit « Wa qala ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn Maryam. » Certes, ils ont mécru ceux qui ont dit que Allah c'est le Messie fils de Marie. Donc ceux qui disent que Jésus est Dieu, ils sont des koufars. Allah les a déclarés koufars dans ce verset, le verset 17 dans sourate Al-Ma'ida. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit هذا القول الثالث يقولون إن الله هو المسيح تعالى الله عما يقولون وقالوا إنه نزل ليخلص العباد من الخطيئة يعني خطيئة أبيهم آدم وقدم نفسه للقتل فقتل أو صلب من أجل فداء بني آدم ثم في اليوم الثالث ظهر من القبر وصعد إلى السماء وهذا لا يقوله حتى الحيوانات ولا المجانين ولا الخنازير لا تقول هذا الكلام يعني بل تنزه الله عز وجل يعني وهم يقولون والعياذ بالله يقولون هذا الكلام في حق الله سبحانه وتعالى ومع هذا نقول يعني بعض الناس يقولون إخواننا المسيحيين ودعونا نتقارب معهم كيف يتقارب أو كيف يتقارب دين الإسلام والتوحيد مع دين الوثنية والتثليث. Donc le cheikh il explique, il dit que ça c'est la troisième parole des chrétiens parmi les trois positions qu'on avait mentionnées hier, ceux qui disent qu'il est Dieu, ceux qui disent qu'il est fils de Dieu, ceux qui disent qu'il est une trinité, il y a différentes positions chez les chrétiens comme ça. Et ici, ça c'est la troisième, ceux qui disent que Al-Masih, c'est Allah lui-même. Ils disent qu'il est Dieu lui-même. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh il dit, et ils ont dit qu'il est descendu pour sauver l'humanité des péchés. Et pour les, comment ils disent ça, l'expression? Il est venu pour libérer l'humanité, ou bien, disons, yani, j'ai oublié l'expression, comment il l'utilise. Mais en tout cas, ils disent qu'il est venu pour enlever le péché des hommes. Hein, et il parle en particulier du péché d'Adam, comme j'ai mentionné hier, le péché originel. Il croit que le péché d'Adam, il n'a pas été pardonné, et que, par conséquent, il est descendu sur sa progéniture, sur tous les êtres humains. Et donc, on a tous hérité du péché à cause de Adam. Et donc, pour être épargné ou nettoyé de ce péché-là, il n'y a rien qu'on peut faire, excepté de faire un sacrifice. Hein? Donc, il faut sacrifier une personne ou un être qui est pur ou qui est parfait. Et ce sacrifice-là, c'est Dieu lui-même, qui est transformé en être humain et qui s'est sacrifié en se faisant tuer lui-même ou en se faisant crucifier, soi-disant, comme en rançon pour le péché des fils d'Adam. Puis que, selon eux, il a été crucifié, il est mort, puis le troisième jour, il est ressuscité et il est remonté au ciel. Hein? Et il dit, le cheikh, il dit même les bêtes et les fous et les porcs, et les, il y en a, ils disent pas ce genre de paroles. C'est des croyances ridicules et absurdes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ce genre de croyances. Comment Dieu peut-il mourir? S'il est Dieu, comment est-ce qu'il pouvait mourir? Ça fait pas de sens. Parce que Dieu, hein, il est, éternel. Donc, il a pas de début, il a pas de fin. Et sa vie, elle n'est pas précédée d'inexistence et il va jamais cesser d'exister. Donc, de dire qu'il est mort, pendant 3 jours, il est resté dans sa tombe. Qui, pendant ces 3 jours-là, gérait l'univers, si c'était vrai? Donc, de un, souvent ça m'est arrivé, j'ai dit aux chrétiens, je dis, vous dites que Jésus c'est Dieu? Ils disent oui. Ils disent, vous dites que Dieu, que Jésus est mort. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Et là, ils me disent, non, mais c'est pas Dieu qui est mort en réalité, parce que, hein, c'est seulement son corps qui est mort, mais son âme, il était toujours vivant pendant ce temps-là. Donc j'ai dit, s'il n'est pas mort dans ce cas-là, ça veut dire, vous dites qu'il n'est pas mort. Donc s'il n'est pas mort, il ne peut pas ressusciter. Parce que celui qui est ressuscité, c'est seulement celui qui est mort. Et si vous dites qu'il n'est pas mort, hein, donc ça veut dire, il ne peut pas être ressuscité. Donc il dit, mais oui, il est mort. Donc finalement, il est mort. Donc j'ai dit, donc on revient à zéro maintenant. Si vous dites qu'il est mort, ça veut dire il n'est pas Dieu. Hein? Wa alaykoum salam. Donc c'est comme si c'est ça le paradoxe en réalité. Que quand tu leur dis qu'il faut qu'il meure pour être ressuscité, ils te disent qu'il n'est pas mort. Et quand tu leur montres que Dieu peut pas mourir, ils te disent mais non, finalement il n'est pas mort. Donc ils tournent en rond comme ça. Hein? Exactement. Ça, c'est un bon point aussi, comme on avait expliqué ça aussi déjà, que Jésus, hein, il est né sans père, donc s'ils disent que c'est pour ça qu'il est Dieu ou fils de Dieu, tu dis oui, mais dans ce cas-là, Adam et Ève, hein, qu'est-ce que tu vas dire d'eux? Ils n'avaient pas de père ni mère. Hein? Donc, est-ce que ça, c'est pas un plus grand miracle encore? Et donc, comme tu dis, ils tournent en rond, et puis ils savent pas expliquer. Parce que, c'est pour ça, alors à ce moment-là, quand tu les bloques de tous les côtés, là, ils disent, ah, mais c'est un mystère. Personne ne peut comprendre. C'est seulement Dieu qui sait, et on va seulement savoir ça au jour de la résurrection. Donc, le cheikh, il dit, comment on peut dire par la suite que les chrétiens sont nos frères? Comme certains musulmans qui disent nos frères, les chrétiens. Allah al-Musta'an. Ils nous appellent à faire un rapprochement avec eux. Il dit, comment est-ce qu'on pourrait rapprocher la religion de l'islam et du tawhid avec la religion de l'idolâtrie et de la trinité? On peut pas faire de rapprochement entre ça. Hein? Et il y a une question qui a été mentionnée ici en note de bas de page. Su'ila shaykhuna hafizahullah. هل يجوز تسمية النصارى بالمسيحيين واليهود بالإسرائيليين؟ فأجاب عن وضعهم الحالي من الوثنية لا يقال لهم مسيحيون، يقال لهم نصارى بما سماهم الله به فقد سماهم نصارى ولم يسميهم بالمسيحيين وسمى اليهود باليهود وما سماهم بإسرائيليين ويبقى اسم القرآن عليهم اليهود والنصارى إلى يوم القيامة ما لم يتوبوا ويدخلوا في دين الإسلام انتهى كلامه. Donc ici le cheikh, on lui a posé la question, est-ce qu'il est permis d'appeler les chrétiens par al-Masihiyin? Parce que en arabe, souvent les arabes se réfèrent aux chrétiens, ils n'utilisent pas le terme Nasara, hein? Ni les chrétiens arabes utilisent le terme Nasara, et parfois même certains musulmans qui ont été proches des chrétiens arabes, ils utilisent le terme Masihi ou Masihiyin. Et Al-Yahoud, il ne les appelle pas Yahoud, il les appelle Israéliyin, les Israéliens, ou des Al-Masihiyin, c'est-à-dire ceux qui suivent le Messie. Et le Cheikh, il dit que à cause de leur état dans lequel ils font de l'idolâtrie, qu'ils adorent Jésus, on n'a pas le droit de les appeler Masihiyun, parce que ça voudrait dire qu'ils suivent réellement le Messie. Hein? Donc ils n'ont aucun lien avec le Messie en réalité. Donc on ne doit pas les appeler comme ça, mais on doit plutôt les appeler par le nom que Allah les a mentionné dans le Coran, c'est-à-dire An-Nasara. Allah les a appelés Nasara, donc il faut les appeler Nasara. Et également, il ne les a pas appelés Masihiyin. En fait, le terme chrétien, c'est de là que ça vient, Masih. Hein? Parce que le mot chrétien, ça vient du mot Christos, qui veut dire en grec, hein, la même chose que Messie. Donc c'est une traduction du terme, mais en grec. Hein. Donc Al-Masihiyun, c'est pas leur nom. Leur nom, c'est les Nasara. Hein. Et on appelle les Juifs des Juifs, on les appelle pas des Israéliens, parce que Israël, c'est le prophète d'Allah. Et on n'a pas le droit de les associer avec Israël, dans le sens que ils ne suivent pas la religion de Yaqub alayhi salam. Donc, même si on les appelle Bani Israël, les fils d'Israël, parce qu'ils sont les descendants d'Israël, mais ils ne suivent pas sa croyance et sa religion. Hein? Parce que s'ils croyaient réellement et s'ils suivaient réellement sa religion, la religion de Yaqub alayhi salam, eh bien ils auraient cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit, hein, où est-ce qu'on est rendu maintenant? Il dit, وفي مواضع من سورة المائدة أخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد فقال فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Donc ça c'est le verset, et c'est des versets dans sourate Maryam, je crois, ces versets là sourate Maryam, وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم. Sourate Maryam, le verset 28 à 36. فبين تعالى الصراط المستقيم الذي سلكه الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك. Et donc on va lire ces versets ensemble dans sourate Maryam. Yani même le fait qu'il y ait dans le Coran une sourate complète qui s'appelle Maryam, ça montre en même temps l'importance et le respect que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette femme. C'est la seule femme, je pense, qui est mentionnée par son nom dans le Coran. Maryam, alayhi salam. Donc c'est le verset 27 à 36. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie dans ces versets. Puis elle vint auprès des siens. Elle retourna avec son bébé auprès de sa famille. Et eux, ils dirent, les gens de sa famille, ils disent, « Oh Maryam, oh Marie, tu as fait une chose honteuse. Oh sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit signe vers le bébé et lui dire, et ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Parce que quand ils l'ont accusé, elle a dit, regardez, parlez avec le bébé, vous allez comprendre. Et les gens, ils ont dit, mais comment on peut parler avec un bébé? Le bébé, il peut pas parler. Et ça fait partie des miracles. Et même ce miracle-là, même dans la Bible, les chrétiens le trouvent pas. Il n'est pas mentionné. Ça, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnées, que même les chrétiens, eux, ils savent pas. Subhanallah. Donc, elle a indiqué aux gens de regarder le bébé, de parler avec le bébé. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'est-ce que Isa alayhi salam a répondu. Donc, elle fit signe vers lui, le bébé, et il dit, comment pourrions-nous parler à un bébé au berceau? Il dit, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère, et ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc ça, c'est la preuve qu'il va mourir. Quand il va revenir sur terre à la fin des temps, il va vivre, il va mourir et il va être ressuscité avec tous les hommes au jour de la résurrection. Donc ça, les chrétiens, ils comprennent pas ça. Et il dit aussi, tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire à lui. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « Sois et elle est ». Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Donc ça, c'est les versets que le cheikh qu'il a mentionnés. Puis, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il a commenté sur ces versets-là, et il dit donc, هذا هو ما جاء به المسيح عليه السلام. قال إني عبد الله. ما قال إني أنا الله, أو إني ابن الله, أو ثالث ثلاثة, بل قال إني عبد الله. Donc, ça c'est ce que le Messie il a ramené réellement. Il a dit, moi je suis certes un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah. Il n'a pas dit je suis Allah ou le fils d'Allah ou une trinité ou des choses comme ça. Il a dit je suis le serviteur d'Allah. Atani al-kitab wa huwa al-injil wa ja'alani nabiyan ay rasulan ila bani Israël. Donc il dit, Allah m'a donné le livre, c'est-à-dire l'évangile. Et il a fait de moi un prophète, un messager vers les fils d'Israël. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ يُصَلِّي. هَلِ اللَّهِ يُصَلِّي, هذا شأن العبيد. Donc le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite à propos de, il cite les paroles de Isa alayhi salam, il dit, il a fait de moi, que, il a fait que je sois béni, il m'a rendu béni, où que je sois, il m'a enjoint de faire la salat. Donc Isa alayhi salam, il fait la salat, hein? Donc s'il fait la salat, ça veut dire qu'il est un serviteur d'Allah. Il fait la salat. Donc est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait la salat, hein? Non, ça c'est les esclaves, les serviteurs qui font la salat et qui prient à Allah. Et ça c'est un argument aussi qu'on utilise souvent pour montrer aux chrétiens, hein? Tu dis, quand Jésus il priait, s'il est Dieu, il priait à qui, hein? Il priait à lui-même? Ça fait pas de sens, c'est pas censé de dire ça, hein? C'est pas logique de dire ça. Donc il priait à qui? Et quand il se prosternait et qu'il pleurait en sanglots dans le jardin des oliviers, comme ils disent dans les évangiles, hein? Et il demandait à qui? Il priait à qui? Il priait à Allah, hein? Parce que c'est un serviteur lui-même, hein? Ou à abd. Il dit awsani bis salati wa zakat. كذلك دفع الزكاة فهو عبد من عباد الله يصلي ويزكي ويتعبد الله. Il donnait donc, il faisait la salat, il donnait la zakat, hein, faisait l'aumône. Et donc ça veut dire qu'il est un esclave et qu'il adore Allah. ما دمت حيا فهو يموت ايضا. هل الله يموت؟ الله حي لا يموت، ولكن عيسى عليه السلام يموت، ولهذا قال في آية اخرى فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. فعيسى عليه السلام يموت، فدل ذلك على انه ليس بإله. Il dit le cheikh que ensuite il dit ما دمت حيا، c'est-à-dire tant que je resterai vivant. Et ça c'est la preuve qu'il va mourir un jour. Et est-ce que Allah meurt? Allah ne peut pas mourir, il est vivant, il ne meurt pas. Donc c'est la preuve que Isa, Jésus, fils de Marie, il est un être humain, il n'est pas Dieu, parce qu'il va mourir. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset 117, il dit فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Et lorsque tu m'as fait mourir, hein, c'était toi qui étais le surveillant sur eux et qui les surveillait. Donc ça c'est la preuve que Isa il va mourir, et ça c'est la preuve donc qu'il n'est pas une divinité. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي أَيْضًا أَيْضًا عِبَادَةً الْبِرْ بِالْوَالِدَةِ عِبَادَةً. وقال بوالدتي هل الله سبحانه وتعالى له والدة تعالى الله عما يقولون. Donc il dit et barran biwalidati, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est obéissant et bon envers, bienveillant envers ma mère. Ça c'est une forme d'adoration aussi, d'être bon envers sa mère, c'est une adoration pour Allah. Et il dit le fait qu'il dit et ma mère, donc il dit qu'il a une mère, est-ce que Allah a une mère, hein? Allah n'a pas de mère. Hein? Donc, ça c'est une preuve encore une fois qu'il n'est pas Dieu. Et il dit, يعني تعالى الله عما يقولون ولم يجعلني جبارا شقيا. Ni violent. Ils l'ont traduit comme ça. Ils ont dit, il n'a pas fait de moi un. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Hein? Ni violent ni malheureux. Donc, il dit والسلام علي يوم ولدت. Il dit et paix sur moi le jour que je suis né. Est-ce que Allah est né? Cheikh dit هل الله يولد؟ ويوم أموت. هل الله يموت؟ Est-ce que Allah le jour que je meurs, est-ce que Allah il meurt? ويوم أبعث حيا. هل الله يبعث؟ Et le jour où je serai ressuscité vivant. Est-ce que Allah est ressuscité? Allah peut pas ressusciter parce qu'il peut pas mourir. Donc il dit هذا كله كلام المسيح وهذه مقالته ذكرها الله عز وجل ليرد بها على النصارى وهم يقرون بأن هذا الكلام بأن هذا كلام المسيح لأنه موجود في الإنجيل ولهذا سمعه النجاشي وأسلم. لما سمعه النجاشي أسلم وقال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. Donc il dit ensuite, donc le cheikh dit ça c'est la parole que Allah a mentionnée à propos du Messie, pour réfuter les chrétiens. Et eux, ils affirment cela. Tout ce que Jésus dit ici, ils l'affirment. Qu'il est un serviteur d'Allah, qu'il est obéissant, qu'il fait la salat, qu'il est né d'une femme, qu'il lui, hein, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses que les chrétiens affirment eux-mêmes. Hein? Et pourtant, hein, ils acceptent pas, l'islam. Allah al-Musta'an. Sauf que, s'ils réfléchissent bien, et s'ils sont sincères, ils l'acceptent. Parce que lorsque Al-Najashi a entendu ces propos-là, eh bien, il s'est converti à l'islam. Et il a dit ce que celui-là a dit, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce que Isa alayhi salam a ramené, ça sort de la même, hein, de la même lumière, de la même source. Et il dit ensuite, ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ هَذَا شَأْنُهُ وَهَذِهِ قِصَّتُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà qui est Isa, fils de Marie. C'est ça son histoire, c'est ça son importance. قول الحق الذي فيه يمترون. الله سبحانه وتعالى بين الحق في عيسى ورد على النصارى ثم قال ما كان لله أن يتخذ من ولد لا يليق به سبحانه وتعالى أن يتخذ الولد لأن الولد شبيه بالوالد ولا شبيه له والله لا شبيه له والوالد بحاجة إلى الولد والله غني عن العالمين ثم قال سبحانه يعني نزه نفسه عن ذلك. Donc le cheikh dit, voilà la, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ensuite, voilà la parole de vérité au sujet duquel il doute, ou au sujet de laquelle il doute. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala donc a clarifié la vérité à propos de Isa alayhi salam, et il a réfuté les chrétiens. Et il a dit, il ne convient pas à Allah de prendre un fils. Hein? Il ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de prendre un fils, parce que le fils, il ressemble à son père, et Allah, rien ne lui ressemble. Et le père, il a besoin de son fils habituellement, tandis que Allah, lui, il n'a pas besoin de rien dans l'univers, dans tous les mondes. Il se suffit à lui-même. Donc, il dit par la suite, subhanahu, qu'il soit purifié. Hein? Il s'est purifié lui-même. Il dit, إِذَا قَضَى أَمْرًا فإنما يقول له كن فيكون فليس بحاجة إلى من يعينه بل مجرد أن يقول للشيء كن فيكون بإذن الله فليس بحاجة إلى من يعينه أو يؤازره. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide d'une chose, il n'a qu'à dire soit et elle est. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'aide de personne. Il n'a qu'à dire à une chose soit et elle est. Hein? Donc donc Allah n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ هذا كلام المسيح قاله لبني إسرائيل وهو في المهد يقوله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. Non. Donc le cheikh il explique que ensuite, Isa ibn Maryam il dit, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Allah certes est mon Seigneur et votre Seigneur. Hein? Et cette parole c'est la parole de Al-Masih. Il l'a dit lui-même à Bani Israël alors qu'il était dans le berceau. Et ça c'est mentionné même dans leur livre, dans leur Bible aujourd'hui, c'est écrit, mon Seigneur et votre Seigneur. Et il dit, c'est ça la vraie religion, c'est de savoir que hein, Allah, Dieu, c'est mon Seigneur et votre Seigneur. Hein, mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est écrit mot pour mot. Hein. Et au jour de la résurrection, il va dire cela devant toute l'humanité, hein, tous les hommes. Il va dire, hein, dans le verset 117, dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité, Il va dire, je ne leur avais dit que ce que tu m'avais ordonné, c'est-à-dire adorer mon Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Il dit, هذا صراط مستقيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. C'est-à-dire, alors adorez-le donc. Il a fait donc de l'adoration un droit exclusif à Allah. هذا صراط مستقيم. Voilà un droit chemin. طريق معتدل. وهذا هو الذي جاء به المسيح عليه السلام. فاختلف الأحزاب من بينهم. وهذا بعد المسيح عليه السلام. حصل الاختلاف في النصارى في شأن المسيح. منهم طائفة بقيت على الإيمان بالمسيح وأنه عبد الله ورسوله، وبقيت النصارى وبقية النصارى خالفوا في هذا في شأن المسيح. Donc il dit voilà le chemin droit, le chemin juste, du juste milieu, bien équilibré. Et ça c'est ce que Isa al-Masih a ramené. Toutefois les partis et les sectes ont divergé entre elles par la suite. Donc après Jésus, il y a des gens qui ont divergé parmi les chrétiens à propos de Jésus, et il y a un groupe parmi eux qui est resté sur la foi réelle de la foi en Jésus, et qui ont adoré, et qui ont su que Allah c'est le Créateur et c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et que Jésus est un esclave d'Allah, un serviteur d'Allah et un messager, tandis que les autres groupes des chrétiens ont dévié. Et on contredit la vérité à propos de Al-Masih, à propos de Jésus. Donc ça, c'est l'explication du verset qu'on a lu. Et donc, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Inch'Allah, on va continuer la suite des explications au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et pour hier, je m'excuse, après l'Asr, j'ai pas pu venir. Donc aujourd'hui, inshallah, je vais faire mon possible pour être là, contrairement à hier, inshallah. Donc je vais donner le cours après l'Asr, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.